France Inter. À 4 minutes de 9h, François Morel, c'est à vous. Bonjour Jérôme, j'ai récemment fait part, vous vous en souvenez, de ma non-candidature à la prochaine élection présidentielle. Je sais que j'ai beaucoup déçu, j'ai suscité chez tous ceux qui avaient déjà collé des affiches « Morel, président du dépit, du chagrin », parfois de la colère. C'est l'espoir que nous avons mis en vous, que vous piétinez, m'écrit un moréliste de la première heure. Je ne reviendrai pas sur ma décision, je ne veux pas ajouter la confusion au désordre. Afin d'alimenter le débat, j'ai cependant réfléchi à un certain nombre de points que les candidats en lice pourront intégrer à leur programme, si ce n'est déjà fait. Cadeau, ce sont mes propositions pour la France. Je pense qu'il faudra, dès l'installation de la prochaine présidence, augmenter le nombre de policiers, de gendarmes, de personnels hospitaliers, de professeurs des écoles, de collèges, de lycées, d'universités, de gardiens de prison, de greffiers des tribunaux. Il faudra parallèlement diminuer le nombre de fonctionnaires. Il faudra développer les énergies vertes partout, notamment les éoliennes, dont il suffira de déterminer collégialement les emplacements. Les éoliennes pourront être posées partout en France, sauf dans les paysages français, afin de ne pas les dénaturer. Par exemple, pas devant chez moi, pas non plus devant chez mon beau-frère et ma belle-sœur, chez qui on va souvent prendre l'apéro le samedi, et chez qui on n'aime pas être trop dérangé quand on se fait une petite pétanque. Pourquoi ne pas profiter des grandes galeries souterraines destinées au stockage des déchets nucléaires de Bure pour les agrandir et y installer un parc éolien? C'est sûr qu'il y a moins de vent en sous-sol, c'est sûr, les éoliennes pourraient être mues par une centrale nucléaire dont les déchets pourront avantageusement être entreposés sur place. Sur le plan diplomatique, la plus grande fermeté devrait être opposée à tous les pays qui ne respectent pas fondamentalement les droits de l'homme. Aucun manquement aux principes démocratiques ne doit être toléré. Sauf, et chacun le comprendra, en cas d'intérêt économique. À ce propos, la croissance sera vue à la baisse afin de ne pas mettre en péril l'avenir de la planète, tandis qu'elle sera reconsidérée à la hausse chaque fois qu'elle permettra de donner du travail aux travailleurs. La liberté d'expression sera naturellement défendue dans la mesure où elle ne fera de peine à personne. En ce qui concerne la culture, elle-même sera défendue. Déjà, le mot « culture » sera régulièrement cité dans les professions de foi, les discours. Chacun, dans un souci démocratique, pourra y mettre ensuite ce que bon lui semble. Voilà, déjà un bon nombre de pistes de réflexion. Ne me remerciez pas, c'est pour la France. Je ne sais pas pourquoi nous n'y avons pas pensé plus tôt, François Morel. Il fallait attendre votre venue. Merci à vous, François. France Inter.